Section 15 de La Princesse de Clèves par Madame de Lafayette. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Isabelle Bram. Le vidame de Chartres n'avait pas oublié la conversation qu'il avait eue avec Monsieur de Nemours. Il lui était demeuré dans l'esprit que l'aventure que ce prince lui avait contée était la sienne propre, et il l'observait avec tant de soin que peut-être aurait-il démêlé la vérité sans que l'arrivée du duc d'Albe et celle de Monsieur de Savoie firent un changement et une occupation dans la cour qui l'empêcha de voir ce qui aurait pu l'éclairer. L'envie de s'éclaircir, ou plutôt la disposition naturelle que l'on a de conter tout ce que l'on sait à ceux que l'on aime, fit qu'il redit à Madame de Martigues l'action extraordinaire de cette personne qui avait avoué à son mari la passion qu'elle avait pour un autre. Il l'assura que Monsieur de Nemours était celui qui avait inspiré cette violente passion, et il la conjura de lui aider à observer ce prince. Madame de Martigues fut bien aise d'apprendre ce que lui dit le vidame. Et la curiosité qu'elle avait toujours vue à Madame la Dauphine pour ce qui regardait Monsieur de Nemours lui donnait encore plus d'envie de pénétrer cette aventure. Peu de jours avant celui que l'on avait choisi pour la cérémonie du mariage, la reine Dauphine donnait à souper au roi son beau-père et à la duchesse de Valentinois. Madame de Clèves, qui était occupée à s'habiller, alla au Louvre plus tard que de coutume. En y allant, elle trouva un gentilhomme qui la venait quérir de la part de Madame la Dauphine. Comme elle entrait dans la chambre, cette princesse lui cria, de dessus son lit où elle était, qu'elle l'attendait avec une grande impatience. « Je crois, madame, lui répondit-elle, que je ne dois pas vous remercier de cette impatience et qu'elle est sans doute causée par quelque autre chose que par l'envie de me voir. « Vous avez raison, répliqua la reine Dauphine, mais néanmoins vous devez m'en être obligée. « Car je vais vous apprendre une aventure que je suis assurée que vous serez bien aise de savoir. » Madame de Clèves se mit à genoux devant son lit, et, par bonheur pour elle, elle n'avait pas le jour au visage. « Vous savez, lui dit cette reine, l'envie que nous avions de deviner ce qui causait le changement qui paraît au duc de Nemours. Je crois le savoir, et c'est une chose qui vous surprendra. Il était perdument amoureux et fort aimé d'une des plus belles personnes de la cour. » Ces paroles, que Madame de Clèves ne pouvait s'attribuer, puisqu'elle ne croyait pas que personne sût qu'elle aimait ce prince, lui causèrent une douleur qu'il est aisé de s'imaginer. « Je ne vois rien en cela, répondit-elle, qui doive surprendre d'un homme de l'âge de Monsieur de Nemours et fait comme il est. » « Ce n'est pas aussi, reprit Madame la Dauphine, ce qui vous doit étonner. Mais c'est de savoir que cette femme, qui aime Monsieur de Nemours, ne lui en a jamais donné aucune marque, et que la peur qu'elle a eue de n'être pas toujours maîtresse de sa passion, a fait qu'elle l'a avoué à son mari, afin qu'il l'ôtât de la cour. Et c'est Monsieur de Nemours lui-même qui a conté ce que je vous dis. » Si Madame de Clèves avait eu d'abord de la douleur par la pensée qu'elle n'avait aucune part à cette aventure, les dernières paroles de Madame la Dauphine lui donnèrent du désespoir, par la certitude de n'y en avoir que trop. Elle ne put répondre, et demeura la tête penchée sur le lit pendant que la reine continuait de parler, si occupée de ce qu'elle disait qu'elle ne prenait pas garde à cet embarras. Lorsque Madame de Clèves fut un peu remise, « Cette histoire ne me paraît guère vraisemblable, madame, répondit-elle, et je voudrais bien savoir qui vous l'a contée. « C'est Madame de Martigues, répliqua Madame la Dauphine, qui l'a apprise du vidame de Chartres. Vous savez qu'il en est amoureux, il la lui a confiée comme un secret, et il la sait du duc de Nemours lui-même. Il est vrai que le duc de Nemours ne lui a pas dit le nom de la dame, et ne lui a pas même avoué que ce fut lui qui en fut aimé. Mais le vidame de Chartres n'en doute point. » Comme la reine Dauphine achevait ces paroles, quelqu'un s'approcha du lit. Madame de Clèves était tournée d'une sorte qui l'empêchait de voir qui c'était, mais elle n'en douta pas lorsque Madame la Dauphine se récria avec un air de gaieté et de surprise « Le voilà lui-même, et je veux lui demander ce qui en est. » Madame de Clèves connut bien que c'était le duc de Nemours, comme ce l'était en effet. Sans se tourner de son côté, elle s'avança avec précipitation vers Madame la Dauphine et lui dit tout bas qu'il fallait bien se garder de lui parler de cette aventure, qu'il l'avait confiée au vidame de Chartres et que ce serait une chose capable de l'ébrouiller. Madame la Dauphine lui répondit, en riant, qu'elle était trop prudente, et se retourna vers Monsieur de Nemours. Il était paré pour l'assemblée du soir, et, prenant la parole avec cette grâce qui lui était si naturelle, « Je crois, madame, lui dit-il, que je puis penser sans témérité que vous parliez de moi quand je suis entré, que vous aviez dessein de me demander quelque chose et que madame de Clèves s'y oppose. » « Il est vrai, » répondit madame la dauphine, « mais je n'aurai pas pour elle la complaisance que j'ai accoutumé d'avoir. Je veux savoir de vous si une histoire que l'on m'a contée est véritable et si vous n'êtes pas celui qui êtes amoureux et aimé d'une femme de la cour qui vous cache sa passion avec soin et qui l'a avouée à son mari. » Le trouble et l'embarras de madame de Clèves étaient au-delà de tout ce que l'on peut s'imaginer. Et si la mort se fût présentée pour la tirer de cet état, elle l'aurait trouvée agréable. Mais monsieur de Nemours était encore plus embarrassé, s'il est possible. Le discours de madame la dauphine, dont il avait eu lieu de croire qu'il n'était pas haï, en présence de madame de Clèves, qui était la personne de la cour en qui elle avait le plus de confiance et qui en avait aussi le plus en elle, lui donnait une si grande confusion de pensées bizarres qu'il lui fut impossible d'être maître de son visage. L'embarras où il voyait madame de Clèves par sa faute et la pensée du juste sujet qu'il lui donnait de le haïr lui causa un saisissement qui ne lui permit pas de répondre. Madame la dauphine, voyant à quel point il était interdit, « Regardez-le, regardez-le, » dit-elle à madame de Clèves, « et jugez si cette aventure n'est pas la sienne. » Cependant, monsieur de Nemours, revenant de son premier trouble, et voyant l'importance de sortir d'un pas si dangereux, se rendit maître tout d'un coup de son esprit et de son visage. « J'avoue, madame, dit-il, que l'on ne peut être plus surpris et plus affligé que je le suis de l'infidélité que m'a faite le vidame de Chartres en racontant l'aventure d'un de mes amis que je lui avais confié. Je pourrais m'en venger, continua-t-il en souriant avec un air tranquille, qui ôta quasi à madame la dauphine les soupçons qu'elle venait d'avoir. Il m'a confié des choses qui ne sont pas d'une médiocre importance, mais je ne sais, madame, poursuivit-il, pourquoi vous me faites l'honneur de me mêler à cette aventure. Le vidame ne peut pas dire qu'elle me regarde, puisque je lui ai dit le contraire. La qualité d'un homme amoureux me peut convenir, mais pour celle d'un homme aimé, je ne crois pas, madame, que vous puissiez me la donner. » Ce prince fut bien aise de dire quelque chose à madame la dauphine qui eut du rapport à ce qu'il lui avait fait paraître, en d'autres temps, afin de lui détourner l'esprit des pensées qu'elle avait pu avoir. Elle crut bien aussi entendre ce qu'il disait, mais sans y répondre, elle continua à lui faire la guerre de son embarras. « J'ai été troublée, madame, lui répondit-il, pour l'intérêt de mon ami, et par les justes reproches qu'il me pourrait faire d'avoir redit une chose qui lui est plus chère que la vie. Il ne me l'a néanmoins confiée qu'à demi. Et il ne m'a pas nommé la personne qu'il aime. Je sais seulement qu'il est l'homme du monde le plus amoureux et le plus à plaindre. » « Le trouvez-vous si à plaindre ? » répliqua madame la dauphine, « puisqu'il est aimé. » « Croyez-vous qu'il le soit, madame ? » reprit-il, « et qu'une personne qui aurait une véritable passion pût la découvrir à son mari ? Cette personne ne connaît pas sans doute l'amour, et elle a pris pour lui une légère reconnaissance de l'attachement que l'on a pour elle. Mon ami ne se peut flatter d'aucune espérance. Mais tout malheureux qu'il est, il se trouve heureux d'avoir du moins donné la peur de l'aimer, et il ne changerait pas son état contre celui du plus heureux amant du monde. » Votre ami a une passion bien aisée à satisfaire, dit madame la dauphine, et je commence à croire que ce n'est pas de vous dont vous parlez. Il ne s'en faut guère, continua-t-elle, que je ne sois de l'avis de madame de Clèves, qui soutient que cette aventure ne peut être véritable. « Je ne crois pas en effet qu'elle le puisse être, » reprit madame de Clèves, qui n'avait point encore parlé. « Et quand il serait possible qu'elle le fût, par où l'aurait-on pu savoir ? Il n'y a pas d'apparence qu'une femme, capable d'une chose si extraordinaire, eût la faiblesse de le raconter. Apparemment son mari ne l'aurait pas raconté non plus, ou ce serait un mari bien indigne du procédé que l'on aurait eu avec lui. » Monsieur de Nemours, qui vit les soupçons de madame de Clèves sur son mari, fut bien aise de les lui confirmer. Il savait que c'était le plus redoutable rival qu'il eût à détruire. « La jalousie, répondit-il, et la curiosité d'en savoir peut-être davantage que l'on ne lui en a dit, peuvent faire faire bien des imprudences à un mari. » Madame de Clèves était à la dernière épreuve de sa force et de son courage, et ne pouvant plus soutenir la conversation, elle allait dire qu'elle se trouvait mal lorsque, par bonheur pour elle, la duchesse de Valentinois entra, qui dit à madame la dauphine que le roi allait arriver. Cette reine passa dans son cabinet pour s'habiller. Monsieur de Nemours s'approcha de madame de Clèves, comme elle la voulait suivre. « Je donnerai ma vie, madame, lui dit-il, pour vous parler un moment, mais de tout ce que j'aurai d'important à vous dire, rien ne me le paraît davantage que de vous supplier de croire que si j'ai dit quelque chose où madame la dauphine puisse prendre part, Je l'ai fait par des raisons qui ne la regardent pas. » Madame de Clèves ne fit pas semblant d'entendre Monsieur de Nemours. Elle le quitta sans le regarder et se mit à suivre le roi qui venait d'entrer. Comme il y avait beaucoup de monde, elle s'embarrassa dans sa robe et fit un faux pas. Elle se servit de ce prétexte pour sortir d'un lieu où elle n'avait pas la force de demeurer, et feignant de ne pouvoir se soutenir, elle s'en alla chez elle. Monsieur de Clèves vint au Louvre et fut étonné de n'y pas trouver sa femme. On lui dit l'accident qui lui était arrivé. Il s'en retourna à l'heure même pour apprendre de ses nouvelles. Il la trouva au lit, et il sut que son mal n'était pas considérable. Quand il eut été quelque temps auprès d'elle, il s'aperçut qu'elle était dans une tristesse si excessive qu'il en fut surpris. « Qu'avez-vous, madame ? » lui dit-il. « Il me paraît que vous avez quelque autre douleur que celle dont vous vous plaignez. » « J'ai la plus sensible affliction que je pouvais jamais avoir, » répondit-elle. « Quel usage avez-vous fait de la confiance extraordinaire, ou pour mieux dire folle, que j'ai eue en vous ? Ne méritais-je pas le secret, et quand je ne l'aurais pas mérité, votre propre intérêt ne vous y engageait-il pas ? Fallait-il que la curiosité de savoir un nom que je ne dois pas vous dire vous obligeât à vous confier à quelqu'un pour tâcher de les découvrir ? Ce ne peut être que cette seule curiosité qui vous ait fait faire une si cruelle imprudence. Les suites en sont aussi fâcheuses qu'elles pouvaient l'être. Cette aventure est sue, et on me la vient de conter, ne sachant pas que j'y eusse le principal intérêt. Que me dites-vous, madame ? Lui répondit-il. Vous m'accusez d'avoir conté ce qui s'est passé entre vous et moi, et vous m'apprenez que la chose est sue. Je ne me justifie pas de l'avoir redite. Vous ne le sauriez croire, et il faut sans doute que vous ayez pris pour vous ce que l'on vous a dit de quelque autre. Ah, monsieur, reprit-elle, il n'y a pas dans le monde une autre aventure pareille à la mienne. Il n'y a point une autre femme capable de la même chose. Le hasard ne peut l'avoir fait inventer. On ne l'a jamais imaginée, et cette pensée n'est jamais tombée dans un autre esprit que le mien. Madame la Dauphine vient de me conter toute cette aventure. Elle l'a su par le vidame de Chartres, qui la sait, de Monsieur de Nemours. Monsieur de Nemours ! S'écria Monsieur de Clèves, avec une action qui marquait du transport et du désespoir. Quoi ? Monsieur de Nemours sait que vous l'aimez et que je le sais. Vous voulez toujours choisir Monsieur de Nemours plutôt qu'un autre, répliqua-t-elle. Je vous ai dit que je ne vous répondrai jamais sur vos soupçons. J'ignore si Monsieur de Nemours sait la part que j'ai dans cette aventure et celle que vous lui avez donnée, mais il l'a contée au vidame de Chartres et lui a dit qu'il la savait d'un de ses amis, qui ne lui avait pas nommé la personne. Il faut que cet ami de Monsieur de Nemours soit des vôtres et que vous vous soyez fié à lui pour tâcher de vous éclaircir. A-t-on un ami au monde à qui on voulut faire une telle confidence ? Reprit Monsieur de Clèves. Et voudrait-on éclaircir ses soupçons au prix d'apprendre à quelqu'un ce que l'on souhaiterait de se cacher à soi-même ? Songez plutôt, madame, à qui vous avez parlé. Il est plus vraisemblable que ce soit par vous que par moi que ce secret soit échappé. Vous n'avez pu soutenir toute seule l'embarras où vous vous êtes trouvée, et vous avez cherché le soulagement de vous plaindre avec quelque confidente qui vous a trahi. « N'achevez point de m'accabler, s'écria-t-elle, et n'ayez point la dureté de m'accuser d'une faute que vous avez faite. Pouvez-vous m'en soupçonner ? Et puisque j'ai été capable de vous parler, suis-je capable de parler à quelque autre ?» L'aveu que Madame de Clèves avait fait à son mari était une si grande marque de sa sincérité, et elle niait si fortement de s'être confiée à personne, que Monsieur de Clèves ne savait que penser. D'un autre côté, il était assuré de n'avoir rien redit. C'était une chose que l'on ne pouvait avoir devinée. Elle était sue. Ainsi, il fallait que ce fût par l'un des deux. Mais ce qui lui causait une douleur violente était de savoir que ce secret était entre les mains de quelqu'un et qu'apparemment il serait bientôt divulgué. Madame de Clèves pensait à peu près les mêmes choses. Elle trouvait également impossible que son mari eût parlé et qu'il n'eût pas parlé. Ce qu'avait dit Monsieur de Nemours que la curiosité pouvait faire des imprudences à un mari lui paraissait se rapporter si juste à l'état de Monsieur de Clèves qu'elle ne pouvait croire que ce fût une chose que le hasard eût fait dire. Et cette vraisemblance la déterminait à croire que Monsieur de Clèves avait abusé de la confiance qu'elle avait en lui. Ils étaient si occupés l'un et l'autre de leurs pensées qu'ils furent longtemps sans parler, et ils ne sortirent de ce silence que pour redire les mêmes choses qu'ils avaient déjà dites plusieurs fois, et demeurèrent le cœur et l'esprit plus éloignés et plus altérés qu'ils ne les avaient encore eus. Fin de la section 15.